Jeudi le 13 avril, cette semaine, dans la connexion, la fin de la saga du Star Wars Kid, Lara Croft dans le livre des records Guinness, et enfin, Google sort son calendrier. Vous écoutez la connexion sur CFOU 89.1. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, avec vous pour deux heures de pur bonheur comme à chaque semaine. Et la grosse nouvelle cette semaine, vous venez de l'entendre, Google sort son calendrier. Yeah! Bonjour, Jesse Millette. Bonjour. Ça fait pas longtemps que j'ai quitté le micro, j'ai juste changé de siège. C'est vrai. C'est un beau siège, par exemple, que t'as pris là. Oui. Bon choix. C'est confortable. Donc, Google a un calendrier? Un calendrier, oui. Beau calendrier, on va en parler tantôt. Mais en musique, pour commencer, voici NoFX avec The Marxist Brothers tout de suite à la connexion sur CFOU 89.1 FM. NoFX avec The Marxist Brothers du futur album Wolves in Wolves Clothing. Il me semble futur, hein? Peu importe. Avec Jesse Millette et Mathieu Plante, vous écoutez La Connexion. On parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Et de piratage. Non, je me suis trompé dans mon texte. Non, jamais. C'est une blague. On commence par un sujet qui intéresse tout le monde, je crois, parce qu'il est trifluvien. Vous le connaissez, vous l'aimez, le Star Wars Kid. Les parents du Star Wars Kid et les familles de ses collègues d'école sont parvenus à une entente hors cours. On se souvient que le Star Wars Kid, il y a 3 ans, c'est un adolescent de Trois-Rivières qui avait 15 ans. Il se filmait en train de mimer un combat au sabre laser. Des copains d'école avaient récupéré la cassette et ont pensé que ce serait le fun de numériser l'extrait et de le partager sur Kazaa. Donc, la vidéo a été téléchargée des millions de fois et ce qui était devenu à l'époque un véritable phénomène social a été couvert par plusieurs grands médias du monde. En juillet 2003, nouveau rebondissement, l'avocat de la famille du Star Wars Kid annonce qu'ils vont déposer une poursuite en justice contre les parents des écoliers qui ont diffusé la vidéo et réclamer des sommes pour compenser les dommages moraux, atteintes à l'honneur et à la réputation, préjudice économique, dommages exemplaires et troubles, stress et inconvénients. C'est assez poussé. Donc, selon l'article du journal torontois The Globe and Mail, les parties seraient parvenues à une entente hors cours, annulant donc le procès au civil qui devait s'amorcer lundi, donc cette semaine, lundi dernier. Lundi dernier. Probablement un montant d'argent en échange d'avoir la paix et l'esprit tranquille. Sûrement un gros montant, moi je suis là-dedans. Oh oui, ben oui, ça fait le tour du monde. Ben oui. Le montant du règlement n'a pas été rendu public, mais la plainte demandait des dommages et intérêts s'élevant à 351 000 $, donc on peut s'attendre à ce que ce soit à peu près égal ou plus élevé que ça. Toujours selon le Globe and Mail, les documents déposés à la cour indiquent qu'après la diffusion massive de la vidéo sur Internet, la vie scolaire de la victime était devenue insupportable et que l'adolescent a dû quitter l'école pour cette raison. La famille a dû faire appel à un tuteur à domicile pour que le Star Wars Kid puisse poursuivre ses études à l'abri des railleries et du harcèlement continuel de ses collègues. A-t-il réussi à maîtriser la force? Pas d'autres commentaires là-dessus. Je sais pas s'il y a une blonde non plus. Ok. Ouais, ben c'est sûr que c'est pas rassurant. Des fois, tu t'es écœuré en maudit école, fait qu'imagine. Imagine si t'es sur Internet dans le monde entier. Puis ça avait été refait Seigneur des Anneaux avec des sables laser. Ah, il y en a eu 20 versions de ça. Ah, puis si vous pensez que les gens au Québec ont ri de lui, ça n'a rien à voir avec ce que les États-Unis lui ont fait vivre au complet parce que c'est. L'Internet est tellement populaire aux États-Unis que ça fait le tour du monde juste à cause d'eux autres, je pense. Ouais, à cause des Américains. Ouais. C'est de même. C'est comme ça que ça se passe. Parlant d'Américains, la petite ville de Bridgeville est à nouveau à vendre sur eBay. 2 ans après le rachat pour 700 000 $ de cette commune de 25 personnes, le propriétaire des lieux, Bill Crowell, a décidé de la remettre aux enchères. Mise à prix, 1,75 million de dollars. Ce conseiller financier a fait savoir que des obligations familiales l'empêchaient d'aménager dans cette ville située à 50 km de l'océan Pacifique, selon le site internet eBay. Il précise avoir dépensé beaucoup d'argent pour réhabiliter le site de 33 hectares situé au nord-ouest de San Francisco. Bill Crowell affirme avoir reçu de nombreux courriers électroniques et appels téléphoniques, parfois de Chine et d'Allemagne, concernant cette vente. Et je cite, « Le monde est fasciné par le fait de pouvoir acheter une ville. » Vous pouvez venir lui donner votre nom et, si vous voulez, être maire et chef de la police, si vous voulez. La vente qui a débuté mardi dernier s'achève le 4 mai et en date de vendredi dernier, le 10 avril, aucune enchère n'avait été déposée sur le site. Allez voir ebay.com/Bridgeville. Mais c'est une genre de ville privée, je veux dire, pour qu'il ait le droit de vendre ça. Dans le fond, il s'est fait une ville sur son terrain de 33 arpents. Mm-hmm. C'est bizarre, là. Je pense pas que ça se ferait ici. Mettons, On pourrait vendre Saint-Étienne. Peut-être le site d'enfouissement, ça faudrait le vendre. Peut-être la place où ils ont mis la grosse baleine. Oui, c'est ça, le site d'enfouissement, c'est sanitaire. On pourrait mettre ça là, vendre ça. Microsoft serait en train de perfectionner son système Windows Live en offrant 2 nouveaux moteurs de recherche, c'est-à-dire Windows Live Product Search et Windows Live Academic Search. Windows Live Product Search permettrait à des consommateurs de chercher un produit et de sortir le prix le plus avantageux pour eux sur le marché. C'est donc un concurrent direct à Google, celui de Google qui s'appelle Frugal. Tu connais Frugal? Non. Site de magasinage. Frugal.com. Non, mais, tandis que tu parles de Windows, moi je vais te parler de Windows et de Macintosh. Oh mon Dieu! Ils forment enfin! Un couple? Oui, exact, ça marche. Ils l'ont ici à la coop de l'université, et tu peux le voir, ça roule sous Windows, tu vas dans propriété, ils détectent la carte 3D avec un Mac Intel, bien sûr. Les pilotes sont... tu peux graver les pilotes directement sur un CD, puis les mettre dans Windows pour que Windows voit les composantes de Mac. Et voilà. C'est magnifique. Allez voir à coop, ça marche très bien. Mais tu sais, l'expression dit qu'on devrait pas comparer des pommes avec des oranges. Ben, mais maintenant on peut, tu sais. Ben tu peux, ouais. Pomme, apple. Tu fais un orange qui goûte la pomme. T'sais. C'est ça. C'est bon. Ben oui, c'est bon. Moi, je suis content. Bon. Je vais pouvoir recommencer à jouer, avoir un ordinateur pour travailler. Tu vas chercher tout ce qu'il faut sur Internet avec ton Mac, tu Safari. Uh-huh. Après ça, ben tu vas en Windows puis tu joues à Battlefield 1942. Voilà. Ou n'importe quel autre jeu de fou. C'est ça, t'es triste. Ouais, je m'emporte. Excusez. Ouais, t'es triste. Non, je l'ai sur un vieux Mac classique avec un OS 7. Là. Ça marche, tu sais. Fait que pas besoin de... Donc, il vous faut un Mac Intel et Windows SP2. Pour jouer à Tetris. Allez voir les articles, vu qu'on a parlé de ce sujet-là la semaine passée. Les articles sont dans l'édition numéro 114 de la connexion. Allez voir sur CNX. www.cif.ca et cliquez sur l'émission numéro 114. En passant, si vous voulez nous contacter en studio, si vous avez des aventures tétriciennes à partager avec nous, vous pouvez appeler au 376-5183. Le 819-376-5183. Et encore une fois, notre site web est au www.cif.ca/CNX ou visitez le cif.ca et cliquez sur la connexion en bas à droite. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter en direct via le stream sur Internet en cliquant sur le gros bouton jaune du cifou.ca. Et ça fonctionne bien. Ça fonctionne magnifiquement bien. Oui, je l'enregistre aussi. Présenté par Infotech Internet. Oui, exact. Évidemment, les MP3 de l'émission sont sur le site de l'émission, archivés encore et encore à chaque semaine depuis le début de l'émission. Donc, allez voir ça, Cécile. Prends nos bottes. Faudrait changer la photo un jour parce qu'il y a encore les vieux chroniqueurs dedans. Ça n'a pas rapport. Alors, les gars, on parlait de Windows, donc Windows Live Product Search. Il y a aussi Windows Academic Search. Windows Live Academic Search. Ils nomment leurs produits de façon plutôt difficile à comprendre. Donc, celui-là, l'Academic, ça veut concurrencer un autre service de Google. Google Scholar. Donc, Microsoft, c'est à la mode, essaie de copier tout ce que Google fait. Microsoft a publié un communiqué de presse vendredi dernier spécifiant que Windows Live Academic Search serait accessible en version bêta d'ici le mois de septembre prochain. Le magazine InfoWorld indique que la version bêta serait plutôt disponible d'ici les prochains jours, ce que Microsoft n'a pas voulu confirmer. La compagnie de Bill Gates a cependant spécifié qu'elle allait faire une annonce à propos de quelque chose lié à la recherche. Est-ce que je comprends bien que l'article est peut-être date du 11 avril, on est le 13, les services, je crois, marchent déjà. Allez voir sur live.com pour voir tout ça. Ensuite, les utilisateurs de nouveaux services de Everdream peuvent préserver la confidentialité de leurs données lorsque leur ordinateur est volé. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle le Theft Recovery Managed Service, un service d'Everdream qui permet à ses abonnés de protéger les données conservées sur des ordinateurs perdus ou volés, qu'il s'agisse d'un PC de bureau ou d'un portable. Lorsqu'un de ces ordinateurs protégés est connecté à Internet, un logiciel communique discrètement avec un serveur et celui-ci contient les instructions à exécuter telles que définies par le propriétaire du PC, c'est-à-dire crypter ou supprimer les données afin qu'elles ne puissent pas être consultées par la personne qui se retrouve aux commandes de la machine. Bon, parle-moi de quelque chose d'intelligent. C'est ce que je fais, hein? Oui, mais à base, c'est leur système d'exploitation qui compte comme ça. Ouais. Mais le serveur aussi va recueillir des données réseau sur l'ordinateur égaré ou volé, des informations qui pourraient ensuite être utilisées par les forces de l'ordre pour localiser le PC. Ah-ha. Everdream souligne que son service comprend aussi la sauvegarde en ligne et la restauration des données. Donc, supprimez vos données. C'est que moi, je me disais... Je vais y repenser un petit peu. Je me mettrais un virus à distance. Ouais. Être capable d'avoir un accès. Avec un bouton pour pouvoir le démarrer. C'est comme une petite mini-bombe. Pouf. Tiens, tu l'as volé, mais t'as plus de disque dur. Revanche. Une carte mère, c'est fini. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology, la MIT, viennent de trouver une façon de produire des piles ultra-puissantes grâce à des virus biologiques. En manipulant les gènes des virus, les scientifiques du MIT ont réussi à ce qu'ils se recouvrent d'une couche de métaux conducteurs, soit de l'oxyde de cobalt ainsi que des particules d'or. Par après, les chercheurs ont été en mesure d'aligner les virus pour qu'ils forment un fil servant d'électrode. Ça ressemble un peu à Dr. Mario. Aha. Faut que tu vires, mais non. Oui. Je la trouvais drôle. Elle l'était, Mathieu, excuse-moi. Merci. Je t'ai pas attentionné. C'est la fatigue. La fatigue, c'est normal, sinon tout le monde rit de mes blagues. Chacune de ces électrodes organiques est d'un diamètre de 6 nanomètres, c'est-à-dire 6 milliardièmes de mètre, et une longueur de 880 nanomètres. Étant minuscules, les virus peuvent servir à créer des piles qui seraient de la grandeur d'un grain de riz. Incroyable. On indique dans l'article qu'une pile conçue de cette façon-là pourrait servir dans de multiples usages différents, comme remplacer les piles électriques actuellement utilisées dans les voitures hybrides, certaines voitures hybrides. Donc la compagnie Cambrios est à l'origine de ça. Ils ont démarré la compagnie en 2003 dans le but de commercialiser la technologie biologique, dont ces piles qu'elle développe avec une équipe de recherche complète. C'est spécial. Très, très spécial. Sais-tu quoi qui est spécial aussi? Oui. Disney. Ah oui? Ça a l'air dur à comprendre comme ça. Mais Walt Disney ont annoncé un service de téléphonie mobile axé sur la famille avec lequel les parents vont pouvoir localiser en tout temps l'appareil de leurs enfants. C'est pas nouveau, ça a déjà été fait, mais... Ouais, mais je sais pas, là. Hein? Je trouve qu'il y a une limite. Premièrement, un cellulaire pour ton enfant. Mm-hmm. Ouais, je trouve qu'il crée un besoin avec les publicités. Là. C'est vrai. Je dis pas que ça peut pas être utile. Là, par cas d'urgence, ça peut aller, mais... Ouais, là, ben même à là. Parce qu'il leur offre vraiment ça texte, jeu, vidéo. C'est évident qu'il va s'en servir. De toute façon, moi, mes parents ont toujours su ce que j'étais ou... Mais j'ai des enfants, je veux dire. Ça serait des bons parents. Je trouve que c'est trop... C'est quasiment mettre une laisse, là. Ouais. Ça veut dire de pouvoir voir le téléphone est où. Ouais, je m'en vais coucher chez Christine à soir. Puis finalement, elle venait coucher chez nous. Oh! Fait que là, il check sur le cellulaire. Ah ben, ma petite maudite. Ah, le sacré pente. Yeah. C'est le premier service national conçu spécifiquement pour les familles, selon Disney Mobile. Ça va être offert aux États-Unis à partir du mois de juin. En plus des communications sans fil et de la messagerie texte, le service va fournir un accès à une variété de contenus, évidemment, de Disney. Mais Disney Mobile offre beaucoup plus. Des fonctionnalités optimisées pour les familles qui comprennent la surveillance de la consommation de messages SMS et l'utilisation du temps alloué pour les appels, ainsi que l'établissement des horaires selon heure du jour et jour de la semaine pendant lesquels les enfants vont pouvoir employer leur appareil. Comble du bonheur, les adultes vont pouvoir établir une liste noire de numéros de téléphone et localiser sur une carte l'appareil de leur progéniture à l'aide du système GPS intégré. Disney indique que ces fonctionnalités vont pouvoir être configurées sur Internet. Sur le site de Disney Mobile, on peut lire le slogan, et je cite, « Enfin un téléphone qui donne aux mères ce dont elles ont besoin et aux enfants ce qu'ils désirent. » C'est ce que je parlais tantôt, là, les belles publicités. Je trippe vraiment, vraiment pas. Non, ben moi non plus. Surtout Walt Disney, là, je sais plus. Je suis peut-être pas la vague, là, mais... On est des maudits barbus, je suis plus capable. Je suis plus capable de voir les films. Enlevez-les, s'il vous plaît. C'est Disney, c'est pas ma thèse, ça. Je suis comme toi, tu es comme moi. Oh, mais c'est associé pour le tournage des films. Je pense qu'il y a une meilleure tune que celle-là, c'est D. Avec Real Summertime à CFU 89 ans. Avec Real Summertime à la connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo sur CFU 89.1 FM. Vous êtes avec Jesse Millette en collaboration ici juste à côté de moi à ma gauche, et moi c'est Mathieu Plante. Oui. Vous me connaissez, hein? Mathieu Plante, si la tendance se maintient, nous jouerons à Bébé Mario samedi. Yes. Hey, ou peut-être réussi. Vendredi soir. Yes. On va s'acheter des DVD, on va essayer ça, on va en parler à la semaine prochaine. Si on va essayer d'en parler, oui, la semaine prochaine. Oui, ben oui. Raconter l'historique du jeu que vous connaissez sous le nom de Mario Bébé. Ouais. Mais qui est un hack ou en tout cas. Ouais, on va se garder du jus. Suspense, hein? Laisse, ouais, du jus un peu. En tout ça pour dire que c'est pas un vrai Mario. On en parlera une prochaine fois. Maintenant, on continue le fil de nouvelles. Le service de téléchargement Nintendo DS. Depuis le mois d'avril, Nintendo offre le téléchargement gratuit de ses démos de jeux et autres contenus téléchargeables à tous les détenteurs d'une console Nintendo DS dans tous les magasins EB Games à travers le Canada. C'est nouveau. Oh. Un présentoir qui est installé dans les magasins transmet grâce à la technologie sans fil les démos de jeux et autres contenus téléchargeables sur les consoles Nintendo DS des joueurs. Les utilisateurs doivent simplement se rendre chez les détaillants avec leur Nintendo DS, sélectionner l'option DS Download Play sur leur console et choisir l'un des jeux DS qu'ils souhaitaient tester. Les jeux sont les suivants. Tetris DS, Yabadabadou. Mario Kart DS, Meteos, True Swing Golf, Pokémon Chozai, Metroid Prime Hunters et Brain Age, Train Your Brain in Minutes a Day. Le choix de jeux et autres contenus téléchargeables dans les présentoirs du service de téléchargement DS sera mis à jour trimestriellement, c'est-à-dire à chaque trimestre. Metroid Prime Hunter, moi je l'ai vu personnellement. Et sur une mini-console, j'ai rarement vu un jeu beau comme ça, surtout que je suis maniaque de Metroid. Là. Ah, je suis content d'entendre. Vu la vieille. Puis c'est... Ah, je me demande si c'est pas plus beau qu'au GameCube. La maniabilité, en tout cas. Uh-huh. Tu joues pis c'est vraiment fluide. C'est le fun, c'est intéressant. Moi, j'avais joué à la démo First Hunt qui venait avec la DS. Okay. C'est vrai que c'était très très beau, mais je suis sûr qu'ils ont amélioré les graphiques depuis ce temps-là. Oh, et puis le jeu multiplayer, tu joues avec ton stylet, là, c'est assez hallucinant. Ouais. J'ai pas de Game Boy DS, là, mais j'ai joué sur celui de mes amis. C'est assez exceptionnel. T'sais. Moi, ça m'intéresse pas les mini-consoles, mais je m'en achèterais quasiment un après avoir joué comme ça. D'autant plus que c'est intéressant, là, vraiment, que tu arrives avec ton DS, tu le rouvres, tu loads mon jeu, t'as pas la cassette, mais tu le loads, on joue ensemble. C'est ça qui est fun, t'as pas à avoir la cassette capotant, deux fois. Ouais. C'est ça qui est magnifique. C'est vraiment très très bien. C'est une belle philosophie. Je me demandais ton opinion là-dessus, tant qu'à avoir quelqu'un avec moi à l'émission aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses des jeux comme Brain Age, Train Your Brain in Minutes a Day, qui est le jeu qui a des sudoku, des jeux de cerveau. Il faut que tu sépares des mots en syllabes. Les genres de jeux qui te font entraîner ton cerveau. Est-ce que c'est le genre de jeu que tu aimerais jouer, toi? Non. Si maintenant il était disponible en français. Hein? Moi, croisé, j'ai trippé, là, à un moment donné, avec mon père ou avec d'autres mondes. Tu prends le dictionnaire des synonymes, le dictionnaire des mots croisés. Tu sais, tu fouilles, puis ça vient que ça améliore tes connaissances. J'imagine qu'en faisant bien gros du sudoku, ben, tu devenais vraiment bon en mathématiques et en calcul mental, mais je sais pas. Non, j'accroche pas. Tu paierais pas pour ça, donc? Non. Tu essaierais de trouver non, des jeux gratuits à la place. Ben, je jouerais à Tetris, tant qu'à ça, qui est un autre très bon jeu mental. Est-ce que tu penses que ça rend intelligent, Tetris? Ben, ça développe une certaine aptitude, selon moi, géométrique, parce que tu vois que plus tu joues, comme moi, ça fait 10 ans, mettons, que je joue de temps en temps, puis... Quand je joue avec quelqu'un qui joue jamais, ça paraît. Là. Ouais, ils font n'importe quoi. Puis pourtant, il y a du monde qui n'a jamais joué, qui embarque. Puis quelqu'un, il y a des aptitudes assez. Le gars, t'es quasiment aussi bon que moi, puis c'était la deuxième fois qu'il jouait. Là, les gens remarquent pas que Tetris, c'est quand même beaucoup de stratégie. C'est pas si évident que ça à faire des Tetris. Là. Parce que les Tetris, c'est vraiment faire quatre lignes clairées en même temps. C'est pas évident. Ouais, c'est sûr, si tu joues à faire des lignes, on a déjà fait des blitzkrieg là, de 644 lignes. Là. Et, à la fin, ça descend assez vite. Mais... À coup d'une ligne, tu fais même pas de points avec ça, quasiment. C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Tu jouais-tu pour les points à Mario Bros? Non, mais bon. Ça serait le fun de faire ça. On devrait jouer pour les points à Mario Bros, le premier. Oh, on se prépare déjà des tournois de jeu, nous on l'a déjà fait quand on était jeune. Qu'est-ce qui arrive? Il y en a toujours un dans le deuxième tableau. Il casse toutes les briques parce que les briques valent 50 points chaque. Il veut pas en perdre d'une. Mais il veut pas mourir non plus parce qu'il y a une limite de temps. Je pense que tu es capable de briser beaucoup. À la maison, si vous voulez faire un tournoi de Mario avec nous, 376-5183. Yabadabadou. Okay. Mario 1, 85, classique. Oh, yes! La plantureuse Lara Croft vient de récolter un autre honneur et c'est pas un petit honneur. La populaire héroïne de la compagnie Eidos vient de faire son entrée dans le livre des records Guinness en tant qu'héroïne de jeux vidéo ayant remporté le plus de succès. La star a obtenu ce record puisqu'elle a su traverser les frontières du jeu vidéo et qu'elle est désormais devenue une figure connue de la société moderne. Parmi les autres candidates à ce titre, on pouvait retrouver Chun-Li de Street Fighter, Pauline de Donkey Kong, Daphne de Dragon's Lair et Claire Redfield ainsi que Jill Valentine de Resident Evil. Resident Evil, qui est la meilleure saga, selon moi, de jeux qui ont sorti. À vie? Ah, c'est dans mon top 5, là, vraiment. Mm. Je pourrais même pas dire. Et quel est le reste de ton top 5? Toutes des Resident Evil 1, 2, 3, 4, 5, 0. Ouais, là, mais 0, 3, 4, 0. Mais les toutes dans une position, là, mettons. Dépendant, on en reparlera rendu là parce qu'il y en a 6. Pourquoi tu mets une série? À part les Outbreak ou Dreamcast. Là. OK. Mais comme jouabilité, là, puis tu sais, c'est vraiment, tu joues, c'est comme un film. Mm-hmm. C'est hallucinant. Puis j'ai le gros de mes amis qui font juste me regarder jouer puis ils trippent. Ils aiment vraiment ça. Mais dans mon top 5, il y aurait Resident Evil, Metroid, partant du premier au dernier, à part les deux du GameCube que j'ai moins aimé. Il y a les Zelda, bien sûr. Oh. Justement, je viens de me pogner toutes les Zelda là, au Xbox. Oh yeah! Mais j'ai les vrais ROM. J'ai les vrais cassettes. Oui, non, il y a les vrais cassettes. Ouais, c'est ça. Là, je te parle Minish Cap, Oracle of Forge, Oracle of Season, Link to the Past. En tout cas, je les ai toutes finalement. J'ai hâte de voir. Je suis en train de mettre la question. Megaman est dans mon top 5 également. Ton top 5 est Mario. Pas mal fini, par exemple. Oui. Quelques positions. Non, je pense non, que non. Tu 5. Il t'en reste 5, OK? Non, c'est Megaman. OK, c'est bon. C'est cool. Un vieux de la vieille, fait que c'est tous les premiers jeux qui ont été hot là, quand même. Je vais mettre, je vais essayer d'y repenser, mais mettre un sondage sur le site pour vous faire voter à la maison quelle est votre série préférée. On mettra les choix les plus évidents et puis vous mettrez le préféré que vous avez là. À la limite, on pourrait même organiser un concours, mon cher Mathieu. Oh! Éventuellement, mais un concours de vieux jeux, tu sais. Rétro, ça. Oui, oui. Tu veux t'organiser une soirée puis tu dis, ben, venez vous faire enterrer à Mario Bros. à Punch Out 1. Oh yeah! Mais pas celui avec Mike Tyson. Ouais, ouais, celui avec Mike Tyson. La cassette à bug. Bon, OK, qui c'est qui va souffler dedans pendant le tournoi? Et en passant, je parlais du livre des records Guinness. Miss Pac-Man était également reçue. Elle a reçu le titre dans la catégorie des personnages non humains. Donc, la personne qui a eu le plus de succès. Pourtant. C'est pas si, si gros succès que ça. Hein? Ben, même tantôt dans le top que t'as dit, là, qu'il y avait Jill Valentine. Mm-hmm. Les Pokémon, je comprends pas que ça pogne encore tant que ça, j'imagine. Les Pokémon? Ouais. Ouais, ça serait pas dans le top 5 de grand monde, ça? Non. Mm-hmm. Non, non, non. Malgré des ventes plus que décevantes du jeu d'horreur Cold Fear, Hollywood semble être intéressé à porter la série au grand écran. Les compagnies Avatar Films et Secret Engine Productions, en français Secret Engine Productions, même pas, ont conclu une entente avec Ubisoft afin de pouvoir adapter le jeu Cold Fear au cinéma. Aucun réalisateur n'a encore été attribué au projet et aucune date de tournage n'a été mentionnée, mais il reste à voir si les mauvaises ventes de Cold Fear, qui s'est vendu à moins de 70 000 copies sur PlayStation 2, Xbox et PC, se reflétera sur les ventes des tickets du film. Mais de toute façon, c'est une des rares fois qu'ils vont sortir le film pendant que le jeu est encore actif. T'sais. Je veux dire, comme Doom, ils ont entendu quoi? 10-15 ans, comme faux 10 ans, mettons. Mm-hmm. Tous les films quasiment Resident Evil, ils ont entendu super longtemps. Puis en plus, ça m'a frustré parce qu'ils n'ont pas eu le respect de l'histoire. En tout cas, okay. On pourrait en parler des heures et des heures. Hein. On pourrait. Mais souvent, je sais pas pourquoi. Hein, Mortal Kombat aussi, à l'époque, la saga Mortal Kombat, ben, le monde joue encore, là, mais c'était ça à la pente descendante. Ils sortent le film 7 ans après. T'sais. Il y a eu le film Mario Bros. Ben oui, c'est un succès monstre. Ah oui, c'était drôle. Ce film-là, moi j'ai bien aimé. C'était pas très bon pour une histoire de Mario. Ça avait comme rien à voir, mais en tant que film, j'ai trouvé ça pas si pire. Oh, c'était drôle. C'était un bon petit film d'après-midi. Toi. Ouais, absolument. C'est pas un film que tu payes pour aller voir au cinéma, mais c'est un film que tu regardes le matin ou quand t'as congé. Il est sur DVD à cette heure. Ouais, c'est ça. Faudrait le graver avec qu'il n'existe plus. Ça se peut. Et la série Mario. Ah, la qui est sortie sur DVD aussi. En anglais seulement? Je sais pas s'il y a le français dessus. OK. La série qu'il y avait quand on était jeune. C'est ça. Mais moi, j'étais un petit peu plus vieux. J'avais moins trippé, là, tu sais, je veux dire. C'était plus des jeunes amis que j'avais qui l'écoutaient, puis l'écoutaient qu'eux autres ou les petits frères. J'ai trouvé une vidéo de la version française de Mario Bros, la série télé. Ouais, je n'avais pas ni un aussi à l'époque. C'est spécial. Tu me disais, je sais pas si c'est toi qui me disais ça, qu'il montrait quand même la publicité de Zelda, l'émission de Zelda à la fin dans le générique. Oui. Sauf qu'en français, au Québec, ça passait pas la série Zelda. Ils sont enrageants. Puis ils doublaient même le. Ne manquez pas à mercredi à 19h. C'est ça. Mais c'est qu'en France, quand il en passait, ils mettaient les deux de suite, donc, ou quelque chose du genre, fait que c'était plus facile pour eux autres. Ils doublaient la promo. Oui, parce que de toute façon, la série passait en français pour eux autres. C'était genre, ne manquez pas dans un instant Link et ses aventures. Puis ça avait l'air super beau, le dessin animé. C'est ça, je te disais l'autre soir. Uh-huh. Puis je trippais Zelda dans ce temps-là. Je sais pas si c'est sur DVD, celle-là. Je sais que Captain N s'en vient sur DVD, la série Captain N. Ça doit se pogner, mais version anglaise seulement. Puis peut-être Made in Japan, même, à la limite. Peut-être. Savez-vous quoi, on s'en va en publicité? Ouais. Parce qu'il faut de la pub. On n'a pas le choix. C'est le même. Mais avant, en musique, voici R. Mercury, Shana Don't Wanna. Écoutez la collection. Featuring Jean Charest. Featuring Jean Charest. C'est une blague. Pas sûr de la catcher, pas sûr. Ok, continue. Vous êtes sur La Connexion. Restez avec nous sur C89.1. Steve Bye. dis oui, dans le fond. C'est une bonne idée de dire oui à ça. Jesse ben, oui. dirait oui. Je dis oui souvent. On ah, s'en... Ah, ah. OK. On s'en va en publicité, mais juste avant, faisons le top 5 des jeux les plus loués en date du 9 avril. En cinquième position, Far Cry Instinct Predator sur Xbox 360. En quatrième, Harvest Moon Magic of Melody sur GameCube. En troisième, The Godfather The Game sur Xbox. En deuxième, The Elder Scrolls 4 Oblivion sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué en date du 9 avril est Kingdom Hearts 2 sur PlayStation 2. Oblivion, il est en deuxième position. Oui. Avec mon bel accent anglais, Oblivion. Oblivion? Ouais, Oblivion, je c'est... De l'appeler même, mais c'est très bon, Oblivion. J'ai juste vu les petites vidéos et les images sur Internet. Mm-hmm. Mais mon chum Julien, il l'a. Il paraît que c'est écœurant. Là. C'est vraiment beau. Puis quelqu'un qui tripe Donjons Dragons ne peut que jouer et aimer le jeu. Là. Tu peux vraiment faire n'importe quoi. Et le jeu va interagir selon ce que tu fais. J'ai pas vu une rumeur sur le fait que c'était comme le jeu le plus vendu de, je sais pas, de genre, ça fait des millions de dollars. Non, mais c'est un des jeux qui joue un certain public. Je dis pas que c'est un des meilleurs jeux, là. Mais... Vu que ça a l'air excellent, ça a l'air absolument écœurant. C'est un jeu de... Comment ça d'aventure. C'est un petit peu d'aventure, genre de Baldur's Gate, mais qui était plus quasiment first-person shooter, mais avec ton bonhomme dans l'écran, la troisième personne. T'avances, tu peux faire n'importe quoi. Tu peux être un voleur, un mage, un sorcier, un paysan, un garde, un marchand. Okay. Tu peux le je sais, j'aimerais sûrement pas ça, mais je okay. Juste en me le décrivant comme ça, j'aimerais pas ça. Mais ça a l'air assez excellent, puis t'avances, puis bon, tu montes de level, tu pognes des items. Comme Julien, lui, était voleur, fait que plus ça va, plus t'es reconnu comme voleur, le roi des voleurs va te rencontrer. Okay. T'apprends à faire à voler des maisons finalement pendant la nuit. Hop, tu vois le marchand, il s'en va travailler le matin, tu rentres à la maison, tu voles, tu vas revendre ça. Tu trouves des œuvres d'art des fois. Est-ce que tu joues avec Mario? Non. Moi j'aimerais sûrement pas ça. Non. On va en faire, vous écoutez la connexion, on parle technologie informatique et jeux vidéo sur CFU 89 FM. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante, toujours avec Jesse Millette pour parler de bonnes choses qu'on aime dans la vie. Hey. On parlera pas de sexe. Ben non, là, wow. Sexe et jeux vidéo, ça marche pas. Ben non. Ben, ils essayent d'inventer des jeux, là, genre Playboy ou Larry. Les jeux sous Larry. En général, c'est un ou l'autre. Ça c'est rare que ta blonde va venir te coller pendant que tu joues à Gran Turismo ou Need for Speed ou Zelda. On m'a dit que j'avais pas bien fait de mentionner le fait que j'aimerais qu'il y ait une seule cassette avec tous les jeux de Mario sur Nintendo DS. Ah, c'est pas ça qu'on a dit. Ils ont dit, ah, maintenant t'auras plus de temps. C'est de la façon dont tu l'as dit. Il y avait beaucoup d'entrain. Il y avait beaucoup trop de cœur dans ce que j'ai dit, je pense. Ouais. Je pense que j'étais trop émotionnel. Et voilà. C'est-tu ce qui prend émotionnel aussi? Oui. Et yes, avec Gold Lion sur CFU 89 FM. Hein? T'es émotionnel? Ouais. Non, je vais pleurer. Non, je suis carré un peu. I'm Yeah, yeah, yeah, avec Gold Lion, de leur nouvel album très très récent. Et c'est une très bonne pièce. Je sens de même, ça. Exact. C'est vrai. J'aime ça dire exact. Exact. C'est exact. C'est comme dire en effet. En fait. En même temps, j'aime ça, par exemple. J'aime ça en même temps. Ah, pas moi, je t'aime. Non? Ouais, mais c'est parce qu'on s'en vite. Moi, je sais. Ben, c'est pour ça que je commence à le dire. Moi, je suis bien, bien influençable, ces expressions, ça. Ah-ha. Mais j'influence les autres aussi, mes expressions. Ok, c'est le fun. Ce que vous entendez en fond, en ce moment même, c'est une pièce de Tetris DS, d'ailleurs, qui s'appelle 10,000 Tetris Points Record. Cette pièce-là qu'on joue en arrière, ça. Ça vient d'une station sur Internet qui s'appelle WTMK. J'aime le fait que toutes les émissions, quand ils disent une pièce qui s'appelle quelque chose, puis que le nom est en anglais, ils disent tout le temps qui s'appelle telle affaire. Tu trouves pas? C'est vrai, en tout cas. Donc, WTMK Mario Radio, on Mario All the Time. Ouais. C'est une pièce qui ne passe que des pièces de Mario et de jeux qui ont rapport avec Mario 24 heures sur 24. Pour l'écouter, vous avez besoin de Winamp ou un bon lecteur MP3. N'importe qui avec un modem téléphone, ça devrait fonctionner. Ils ont une limite de 15 personnes en simultané sur une connexion. Donc, quand vous écoutez pas cette station-là, fermez-la, s'il vous plaît. Pour aller voir WTMK, il faut aller voir themushroomkingdom.net, /WTMK.shtml, ou sinon, juste la page principale a un lien vers WTMK. Il y a deux versions, une version 16 kbps, normale, et une version MP3 Pro en 32 kbps. Et c'est très très bien parce que cette station-là vous montre les titres des pièces qui sont en train de jouer. Donc comme là, en ce moment même, c'est Mario Kart Super Circuit avec Ghost Data Trade. C'est magnifique à savoir. Et c'est une très très divertissante petite station. Les playlists sont mises à jour régulièrement. La dernière mise à jour a été faite en mars 2006, donc c'est-à-dire il y a très très récemment. On se comprend là-dessus? C'est le fan. WTMK, moi je suis un fan. Je l'écoute pendant que je travaille, des fois. Ça tape ses nains du monde, c'est pas savoir. C'est excellent. Tant que ça m'arrive pas pendant une commotion cérébrale, puis dans ma tête, c'est ça qui joue, mais sans aller sur la radio Internet. c'est moins drôle. En tout cas, si vous voulez gosser du monde avec votre musique de Mario, allez-y fort, je vous encourage. Il y a de la musique de Donkey Kong aussi, donc c'est toujours divertissant. Que serait l'actualité informatique sans les histoires de virus qui nous préoccupent depuis le célèbre Michelangelo? Je sais pas ce que ça veut dire, c'est l'article qui dit ça. On apprend cette semaine qu'un groupe de pirates vient de publier le code pour un virus qui s'appelle un virus qui est cross-platform, donc qui est capable d'infecter à la fois les systèmes Linux et Windows. C'est Kaspersky Lab qui a été le premier qui a alerté les utilisateurs de l'existence de ce virus qui s'appelle virus.linux.by.a. By comme dans bisexuel, j'imagine. Virus.win32.by.a. Il attaque les Windows, les Linux. C'est ça. Il attaque pas les pommes? Pas les pommes. Non. Non. Il a été écrit en assembleur. Le virus est décrit comme simple, même s'il est capable d'infecter indifféremment des formats de fichiers Linux et Windows. Il s'agit pour le virus d'infecter les fichiers Windows PE, donc Portable Executable, et les fichiers Linux ELF ou Executable Linking Format, qui sont tous deux des fichiers binaires. Pour l'instant, le virus n'a pas d'application pratique et il s'agit que d'une démonstration. Cependant, Kaspersky craint que cette maquette ne donne des idées à d'autres pirates pour concevoir des virus nettement plus dangereux. Donc c'est justement, j'espère qu'ils vont pas sortir le code ou pas se faire hacker, puis les gens vont copier leur code puis faire des virus cross-plateforme, ça serait vraiment plate. Ouais, c'est pas trop intéressant. Vraiment, vraiment pas. Cette semaine, l'annonce par Apple, on le sait, de la mise à disposition de son bootloader ou ce qu'ils appellent leur bootcam qui permet d'installer le système Windows XP sur les ordinateurs Mac avec processeur Intel ou Mac Intel a provoqué un mini tremblement de terre sur la scène informatique grand public, c'est bien évident. Mais certains développeurs ont visiblement décidé d'aller plus loin qu'Apple. Donc, alors que le lancement de Windows XP ou de Mac OS X sur Mac Intel a lieu au démarrage de la machine, certains souhaiteraient exploiter la technologie de virtualisation, ce qu'on appelle Intel VT, intégrée au processeur Core Duo, intégrée au Mac, pour faire fonctionner les deux, voire les trois, avec Linux, en même temps, dans l'écran. La technologie de virtualisation permet effectivement de faire fonctionner plusieurs systèmes de façon simultanée. Il est ainsi possible de basculer d'un système à l'autre sans redémarrer l'ordinateur, simplement en utilisant une combinaison de touches ou en ouvrant une nouvelle fenêtre. Mais là, d'avoir les trois, ça donne à rien. Quand t'as Linux, c'est parce que t'es tellement anti-Windows, t'es plus capable. Et voilà. Tu tombes avec Linux, bon, si tu travailles bien avec, c'est correct. Mais des fois, si t'es fan de Linux et que t'as pas le choix d'utiliser Windows XP pour ton travail... Puis là, en plus, tu te rajoutes Mac OS X. Et voilà, pour la beauté. Virer fou un petit peu. Ça s'appelle Parallels et ils ont d'ailleurs profité de l'annonce d'Apple pour officialiser leur solution Parallels Workstation 2.1 Beta qui permet d'exploiter les capacités de virtualisation des Mac Intel pour faire fonctionner en même temps les systèmes Mac OS X, Linux et Windows XP. Question performance, Parallels affirme que les systèmes fonctionnent à une vitesse proche de celle des systèmes installés en natif sans virtualisation. Cependant, rien n'est précisé en ce qui concerne la compatibilité logicielle et il est peu probable que les jeux 3D soient supportés. Le logiciel est payant, $50 US, mais une version démo est disponible sur le site web. Alors que... c'est ça. Ben, c'est juste ça. Allez voir l'article cnx.cif.ca pour télécharger le logiciel et pour lire l'article au complet. Hein? Ah, comme tu viens de le faire. C'est ça. Je vais citer un résumé. Voilà. Eh bien. C'était un résumé presque au complet de l'article. Mais quand même. Ouais. Et voilà. Là, ce qu'on entend en arrière, juste pour vous tenir au courant de notre radio WTMK, c'est Donkey Konga avec Diddy's Diddy's. C'est le jeu, on se rappelle, qui se joue avec des Konga. Oui. Et c'est une c'est intéressant, ça. Ouais. À l'époque où j'avais un GameCube, je ne l'avais pas essayé. Il est trop cool, ce jeu. J'aurais probablement gardé mon GameCube. Ah, ça, c'est... Mais c'est drôle de voir le monde tape des mains, puis t'as pas le choix pour faire avancer le bonhomme. Mais c'est génial, ça. Oui, c'est... C'est ça qui est le fun de Nintendo, il reste toujours dans, cette, dans cet esprit-là. Il y a seulement eu à date 3 jeux qui jouent avec les Konga. Donkey Kong Jungle Bee, qui est celui où tu fais avancer un personnage en claquant des mains et en sautant comme ça. Donkey Konga, celui où tu joues de la musique avec tes tambours. Et Donkey Konga 2, qui est la suite avec des nouvelles pièces. Ouais, c'est ça qui est plate. Donc juste 3 jeux. C'est intéressant, mais bon, il va sortir quelques autres choses. Et voilà, mais en même temps, ils ont peut-être fait le tour du sujet. Donc tout ce qu'il pourrait avoir, ce serait d'autres suites de Donkey Konga. Parce qu'un jeu d'aventure où tu tapes des mains, moi je l'ai bien aimé ce jeu-là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus le Tu joues quelques fois puis tu te tannes. Pas pour toute l'équipe, faut que tu ajoutes. C'est ça. Mais il devrait ressortir le robot. Ça c'est bien. C'est très utile. J'espère qu'ils vont le faire. Très jouable. R.O.B. On dirait que c'est la mode robot. Là. Hey, un robot en 85. Mon Dieu Seigneur. Mais moi, j'attends encore une suite au Gant. Tu sais, le Gant, c'est magnifique. Non, le Gant, c'est aussi le Power Love. Puis il montrait dans l'annonce, le gars, il jouait à Zelda. Excuse-moi, mais j'ai déjà vu le Gant, là. Puis... ça doit pas être le fun de jouer à Zelda avec le gant. Ça doit être très dur. Link, là, je parle. Ouais. Le 2, ça doit être... Non. Ça n'a aucun sens. C'était rire du monde, ça, ces machines-là. C'est n'importe quoi, cette affaire. Comme toutes les manettes qui sortaient. Sans fil, gros bouton, style arcade. Ah, non. Ah, les sans vol tout seul. J'ai déjà assez des joysticks sur des consoles de génération courante, présente, que j'aime pas vraiment les joysticks. Mais en fait, OK. Mais bon. Beau GameCube, non? Pas tellement, non. Non, il glisse. J'ai tendance à... Ouais, il glisse, c'est sûr, absolument. Tu aimes moi. Exactement. Absolument. Exactement. Tu n'aurais pas pu mieux dire, mais aussi le fait que tu as tendance à aller trop loin à gauche et trop loin à droite. Tandis que, mettons, moi, je joue à des émulateurs sur PC avec une manette de Xbox 360. Et tous les jeux où tu dois absolument cliquer sur la flèche une fois, c'est difficile parce que ton joystick va tout le temps dans le fond. Ouais. Donc, tout le temps, en tout cas, je jouais avec Bubble, le puzzle Bubble. Le vieux sur Nintendo 64. OK. Puis la flèche, elle n'arrêtait pas d'aller trop loin à gauche, trop loin à droite. Parce que, tu sais, c'est un jeu où tu dois être une balle en plein centre, en bas de l'écran. Ah, ça, c'est pas tirer sur des balles. C'est Bust a Move. Tu lances des petites boules de cristal, jaune, vert ou bleu. Mais c'est les bonhommes de Bubble, par exemple. Ça, tu te trompes pas, c'est Bob et Bubble. Ah, ben, tant mieux, je pensais que je t'ai... Mais dans Bust a Move. Ils ont comme pas réédité de Bubble, puis ils ont trouvé une nouvelle carrière. Je pense qu'il y avait eu Bust a Move 98, 99. Il y en a eu sur Sony PlayStation à l'époque. C'est la première fois que je jouais, puis je trouvais que ça ressemblait plus à un jeu que je jouerais sur Internet gratuitement et non pas que je m'achèterais une cassette. Okay. Non, moi non plus, mais... Ça me semble c'est même trop ridicule. De toute façon, j'ai fait le tour. En tout cas. J'ai fait le tour, il l'avait au Super Nintendo. Ah, OK. Mais bon, tout ça pour dire que la manette de 360, ça fonctionne pas très bien pour ces affaires. En tout cas, le site YouTube.com, on connaît YouTube, on les aime, c'est ceux qui hébergent des vidéos. Et la semaine passée, c'était d'ailleurs mon download, dans le sens que c'était la mauvaise nouvelle de la semaine, parce que YouTube ont commencé à bloquer les films de plus de 10 minutes. Donc seulement des films de moins de 10 minutes maintenant. Donc, ils revendiquent 35 millions de vidéos visionnées quotidiennement. Ils viennent de lever 8 millions de dollars auprès du fonds Sequoia Capital, célèbre pour ses nombreuses prises de participation dans les sociétés de l'Internet. YouTube indique accueillir 6 millions de visiteurs et recevoir plusieurs dizaines de milliers de nouvelles vidéos à chaque jour, le tout sans modèle économique apparent. Donc, YouTube, qu'est-ce que c'est? C'est un service d'hébergement et de diffusion de vidéos, une sorte de Flickr pour les vidéos. Donc, YouTube s'est trouvé confronté à des problèmes liés à la violation du droit d'auteur. Les utilisateurs profitaient du service pour diffuser des contenus protégés et là, une nouvelle restriction a été mise en place pour limiter les vidéos à 10 minutes. Le plus étonnant là-dedans, c'est qu'on ne sait pas comment YouTube finance les importants coûts liés au serveur et à la bande passante. Fondé en février 2005, le site de YouTube est à l'heure actuelle exempt de publicité. Il avait levé 3,5 millions de dollars auprès de Sequoia Capital en novembre dernier. Et selon le Financial Times, YouTube devrait bientôt introduire des publicités contextuelles à la Google et développer des partenariats avec des chaînes de télé. Mais ça peut possiblement être eux autres qui le financent avec les revenus de leur groupe, non? Ben, comment ils feraient de l'argent si les vidéos sont hébergées gratuitement? Ils doivent payer eux-mêmes pour la bande passante, etc. Oui. Bonne question. Et voilà, donc on sait pas, mais bon, ils ont peut-être emprunté de l'argent, comme on dit à Sequoia Capital, puis ils doivent avoir emprunté beaucoup, beaucoup d'argent. Probablement. Ils n'ont pas le choix. On doit se quitter pour la fin de la première heure comme ça. On doit se rendre aux nouvelles de Radio-Canada dans quelques minutes. On revient dans, encore là, même pas 5-10 minutes, genre. Tu sais, c'est le pas long. Le temps de la pub après c'est ça. Les nouvelles. Ben oui, vous avez juste à aller jouer une petite partie de Metroid puis revenir après, rien là. Ouais, c'est une partie hein? De 5 minutes, tu joues pas bien longtemps. C'est juste le temps de rentrer le code sur ton Nintendo. Allez jouer à Bust a Move de bord. Ouais. Mais pas avec la manette d'Xbox 360. Parce que ouais. On vient, juste après les nouvelles. Vous écoutez La Connexion, on parle technologie, informatique et jeux vidéo. Et on se laisse avec WTMK de Super Mario World Sleigh Ride à CFU89.fr. Down your day for me. Bon retour à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est toujours Mathieu Plante et le sien est toujours Jesse Millette. C'est toujours Mathieu Plante. C'est vrai. Ça change jamais. Jamais. Ben ça a changé de nom, rien que pour la cause. Ça change une fois de temps en temps. Ouais. Ouais. Ah, les gars. Bien. On n'en parlera pas trop, par exemple. C'est quoi quand c'est pas Mathieu Plante? Je peux pas le dire, sinon ça va défaire ma couverture. C'est vrai. C'est pas faire ça. Vrai. Plus tard, on va parler de Yahoo. On va parler d'un nouveau président pour Ubisoft et MSN Messenger. Tout ça au retour, mais maintenant voici The New Cities avec Run Baby Run sur CFU 89.fm. The New Cities, Run Baby Run, à CIFU 89.1 FM, vous écoutez La Connexion et c'est l'heure de continuer les nouvelles. On commence par Ubisoft. Après le départ inattendu de Martin Tremblay, Ubisoft Montréal avait besoin d'un nouveau PDG et la société française a nommé Yanis Malat pour le remplacer. Le producteur de Prince of Persia, Sins of Time, un Français d'origine, travaille depuis 6 ans au Québec. Dans le passé, il a aussi été chargé de travailler sur de nouvelles propriétés intellectuelles. Sabine Hamelin, la fondatrice du studio de Montréal en 1997, a aussi été nommée lundi vice-présidente exécutive pour les affaires corporatives et sera ainsi représentante auprès des gouvernements et des institutions. Le cabinet d'analystes Comscore a publié cette semaine les résultats de son enquête sur les parts de marché mondial au mois de février des logiciels de messagerie instantanée. Pour la première fois, les Européens sont plus nombreux que les habitants des États-Unis à recourir aux services de ces logiciels. Au premier rang desquels figure le MSN Messenger de Microsoft, ce dernier fédère en effet, selon Comscore, 61% des utilisateurs de messagerie instantanée dans le monde. Drôle de formulation de phrase, mais c'est pas grave. 40% d'une population d'internautes européens estimée à 82 millions d'individus utilisent ce type d'application. Aux États-Unis, où on compte 69% d'internautes, seuls 37% d'entre eux s'y adonnent. Comscore remarque que l'usage de ces logiciels est bien plus important en Amérique latine, où 64% de la population des internautes y recourt. Allez lire le reste des statistiques au cnx.cfou.ca. Maintenant, c'est l'heure de faire quelques nouvelles brèves, des nouvelles qui se résument, quoi, à leur grand titre. Exactement. Les noms de domaine.eu sont disponibles depuis vendredi. 390 000 domaines ont été achetés en 100 minutes. Coca-Cola a lancé conjointement avec la maison d'édition Island Def Jam une émission de télévision distribuée gratuitement sur Internet. Disney et ABC vont permettre aux internautes de regarder gratuitement en ligne 4 épisodes de ces séries télé. Yahoo a lancé mardi 2 nouveaux services en version bêta, Yahoo Maps qui concurrence Google Maps et Fairchase qui sert à planifier des voyages. Selon une étude, la petite île d'Islande près du Groenland serait le pays le plus connecté à haute vitesse proportionnellement à sa population, devançant la Corée du Sud, les Pays-Bas et le Danemark. Et Microsoft annonce que le support technique pour Windows 98, Windows 98 deuxième édition et Windows Millennium édition ne serait plus disponible à partir du 11 juillet prochain. Et voilà, c'est les nouvelles en bref. Qu'est-ce que t'en penses, Jesse? J'en pense pas grand-chose, parce que moi ça m'affecte pas, parce que j'ai un Macintosh. Bah, prétentieux. Je n'ai pas de Windows 98 ou de Millennium. J'ai pas besoin d'aucune application. De toute façon, je trouve pas que c'est des bons Windows. Ben, 98 un peu, là, mais pas Millennium. Je me demande si les gens, s'il y a encore beaucoup de gens qui s'en servent. Je sais ben, pas si les statistiques. Moi, je connaissais quelqu'un, là, mais il est temps qu'il switch, là, parce que. C'est problématique quand tu connais pas. On dirait que tu fais du Linux, tu sais. Ouais, c'est comme les filles, tu sais, qui ont les coupes de cheveux à l'année 70, hein, c'est quoi ça? Année 70, c'est-à-dire coupe longueuil années 80 et plus. Je sais pas. Non? Genre Farrah Fawcett. Tu veux dire genre business on the front puis party on the back? Ça, je connais ça aussi. Non, ça, c'est plus coupe longueuil, coupe chaoui, coupe skidoo. Mais t'sais, chaoui? Coupe chaoui? Y a-tu quelqu'un qui a fait ça, coupe chaoui? Oh oui. Ben oui, une coupe petit page aussi. Petit page? Oui. C'est genre comme René Simard, là, dans son jeune temps. Il avait une coupe petit page. C'était à la mode, donc c'est correct. Comme une fraise, là. Comme une fraise. Simard aussi. OK. C'est cela. T'as déjà eu ça, non! Une fois, un petit peu. Ah, genre rasé, puis quelques petites couettes longues en arrière. Mais dans ce temps-là, j'avais les cheveux blonds, j'étais cute, là, tu sais. J'étais un jeune garçon fringant dans la septaine, à peu près, cinquaine, septaine. T'es encore fringant? Ouais, j'espère. Je l'essaye. Bon. J'essaye quand même le plus possible. C'est beau à voir. Oui. J'aime ça. Avant de continuer en musique, on va faire le top 3 cette semaine, juste pour faire différent. Le top 3 des mots-clés les plus recherchés sur Internet, selon WebDépart, qui compile les données de Yahoo, de Lycos et de la Toile du Québec. En troisième position, on retrouve Paris Hilton. En deuxième, Pam Anderson. Et en première place, Poker. C'est beau. C'est du poker. C'est québécois, ça demande question. Deux. La chair à canon se recrute sous tous les ciels où il fait peur. Partout, où tout le monde, jusqu'à l'espoir même. Show, on leur fait miroiter une grande carrière déjà toute faite. Les front page, les médailles, comme on le fait aux starlets. On les brainwash pour aller tuer des plus mal pris qu'eux. Soit disant pour leur passé, et non pour de vieux milliardaires cyniques sous sang et pétrole et qui dans leurs églises prient, moins qu'ils rigolent. Les marionnettes, la big business, à coups de mitraillette, perpétue l'injustice, la chair à canon, pullule quand la culture implose partout, où les scrupules et la décence sont élémentaires. leur garantit la célébrité par leur omniprésence dans les médias. Les front page, les médailles, comme on le fait aux soldats. On les convainc, on les aime pour voir. Et non, par qu'ils sont de petites foules aux honneurs. Partout où l'on confond couverture médiatique et talent, les clones de Trash TV vont au front en chantant. Les marionnettes, la big business, qui de la chansonnette célèbre l'avènement du règne de la bullshit. Quand face aux charniers, ils s'étonnent de la haine, des pleurs, des cris de cette réalité inhumaine. Ils se demandent où sont passés leur jeunesse, leur espoir, la grande cause. Suis-je victime d'une grande arnaque? Et la question qu'ils se posent, est-ce à la morale ou même à mon pays que je vais, ou à des criminels? Profite les profits. Je suis devenu une machine à tuer et aucune médaille ne me rendra ni mon âme ni ma santé. Les marionnettes de la big business sont obsolètes quand tu génères plus de fric. Sur les tabloïds, les ont remplacés. Leurs chansons préfabriquées sont oubliées. Ils se demandent où sont passées leur jeunesse, leur rêve d'être artiste. Suis-je victime d'une grande arnaque? Et la question que je te pose quand tu y réfléchis, est-ce mon talent, ma personnalité qui m'ont propulsé ici? Ou des games du marketing affamé de profit? The wannabe has been. Tout s'est passé si vite. J'aurais été une vedette, mais j'aurais voulu être un artiste. Les Paul Amarani est nouveau marié avec la pièce Guerre Académie de l'album Portrait vivant de Paul Amarani. C'était bon? Oui. Toujours aussi bon, tu sais, t'as réécoute, tu te dis maudit, sinon ben encore bon, tu sais, aussi bon que ça l'était la dernière fois. T'sais. De? Non, non. De? Hein? Quoi? Avant de passer en publicité, c'est l'heure de faire les hauts et les bas de cette semaine. Voici ce qui a été mon haut cette semaine. La semaine passée, on parlait de filles qui avaient fait une blague, qui avaient fait des blocs de points d'interrogation de Mario. C'est des petits blocs en carton qui ressemblent à un point d'interrogation dans les jeux de Mario. On se comprend jusque-là. Donc, il avait fait ça. Il s'était fait arrêter par la police. Puis là, il avait été amené à, en tout cas, comparaître, je sais pas quoi, blablabla. En fin du compte, cette semaine, ils recevront aucune charge contre elle. Donc, c'était 6 filles qui avaient accroché des blocs de Mario partout dans une petite ville de l'Ohio lors du poisson d'avril, le 1er avril. Selon le prosecuteur de Portage County, Victor V. Vigliucci, il dit, et je cite, « Je ne crois pas que ces filles avaient des intentions malicieuses. Les filles ne pensaient pas aller aux conséquences de leurs actions. » Ça peut au pire leur faire de la publicité. Absolument. Mais c'est une petite ville de 12 000 habitants. C'est évident qu'ils ne seront pas la cible de terroristes. C'était ça l'affaire qui s'est passée le 1er avril. Et on les avait arrêtés parce qu'ils pensaient que c'était des affaires terroristes. Genre, ils ont amené l'escouade anti-bombe. Ah ouais. Sérieux. Pour défaire ces paquets-là, il faut vraiment le faire. En tout cas, donc, on est heureux d'entendre qu'il ne se passera rien avec ça. Et du côté des bas cette semaine, Millionaires 24. On pensait que c'était aussi une blague de poisson d'avril, mais en fin de compte, c'est totalement légitime, même si c'est une très mauvaise idée. Millionaires24.com ou millionnaire au pluriel 24.com, c'est une adresse courriel pour les riches à 400$ par mois. Est-ce que vous appartenez à la haute société? Alors, prenez, montrez-le d'une façon complètement stupide et niaiseuse. Finalement, genre Jesse Millet, A commercial, millionnaire, beaucoup de cash.com. Exactement. Et en plus, non seulement ça, que ça coûte 400$ par mois, mais tu reçois beaucoup, beaucoup moins de choses qu'avec un courriel gratuit comme Gmail, qui a du courriel illimité. Donc, il y a beaucoup moins d'options comme ça. Il y a presque rien d'intéressant là-dedans. Millionnaire24.com. C'est le bas de cette semaine, selon moi. Vraiment, vraiment, vraiment pas. On se quitte en publicité. On revient pour la dernière demi-heure. On va parler, entre autres, de Google Watch. Comme à chaque semaine, on va surveiller ce que Google fait. Et cette semaine, il y a 5 nouvelles différentes. Restez là pour Google Watch. Au retour dans la connexion. On parle technologie, informatique et jeux vidéo avec Jesse Millet. Oui, c'est on va fun. Parler de Dream Edition. Puis c'est vrai qu'on s'est rencontré aussi. C'est vrai, merci. On va parler de deux hacks de Super Mario World au retour dans la connexion à CIF 89 FM. De quoi donc? De hein? Yes. Hein? Trash.com. Bon retour à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Jess Millette et Mathieu Plante avec vous pour encore une demi-heure. Je vous rappelle qu'au sommet de l'heure, à 12h10, c'est l'émission Vis-à-vis si vous écoutez le mardi. Si vous écoutez le jeudi, à partir de 13h, c'est la rediffusion de Pure Laine. C'est-tu bon pour vous autres, ça? Je pense que oui. C'est ça. Oui. J'ai rien de plus à dire, ça de même. C'est ça, là. Ah, les gars. Donc. Tu veux nous parler de Yahoo? Oui. On commence par Yahoo, si c'est vrai. J'avais pas ça. On va commencer par Google. Pour la section Google Watch de cette semaine. À partir de cette semaine, vu que la plupart du temps, j'ai tas de nouvelles de Google à chaque semaine. Donc, aussi bien les regrouper dans quelque chose qu'on appelle Google Watch. Surveillons Google tous ensemble. Donc, Google vient d'ouvrir aujourd'hui, de dernière heure, cette nouvelle-là. Ça vient de paraître il y a même pas une heure. Google vient d'ouvrir au public son projet d'agenda en ligne qu'on appelle Google Calendar. Ce dernier est accessible gratuitement à tout détenteur d'un compte Google et comme tout bon projet sorti de chez Google, il est en version bêta. Calendar est pour le moment seulement disponible en anglais, mais ça fonctionne extrêmement bien. Reposant en partie sur la technologie Ajax, il permet d'effectuer des changements sur la page sans avoir à la recharger. C'est ce qu'il y a de populaire présentement sur Internet. Google Calendar est ergonomique, simple d'utilisation. Un petit calendrier à gauche permet de visualiser le mois en cours, alors que la vue centrale propose soit le jour, les quatre prochains jours, la semaine ou le mois en cours. La création d'événements se fait d'un simple clic à l'endroit désiré. Et ce que j'aime bien, c'est que tu peux, par exemple, sur la grille, mettons, t'as un événement qui se passe de, par exemple, de 11h à 13h le jeudi, c'est la connexion. Fait que tu dragues ta souris pour choisir la période de temps, il y a un petit pop-up qui apparaît, t'entres l'événement dedans et tu fais Enter et ça fonctionne. Et tu peux te... Pardon? J'ai déjà le iCal. Ouais, non, c'est sûr, c'est une imitation d'iCal, mais c'est sur Internet. Mm-hmm. Donc, tu peux t'en servir au bureau comme à la maison et tes événements vont être là. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'aimais ça. Je l'adore. Je l'ai utilisé ce matin pendant une bonne demi-heure et vraiment, ça m'a impressionné. Tu peux créer plusieurs calendriers, dont certains qui vont être privés, certains qui vont être partagés. Okay. Par exemple, mettons, je décide que les privés, ça va être en bleu et les partagés en vert. Donc, même si tu veux, tu peux donner l'adresse à quelqu'un. Mettons, moi, je préfère un calendrier qui dirait quand les nombreuses émissions de Mathieu Plante sont diffusées à CIFU. Je pourrais mettre la connexion, la chanson coureur, les palmarès, etc., etc. Le chant du patriote. Funky Torch. Je pourrais mettre toute la programmation de CIFU, tu sais, si je voulais. Exact. Exactement. Mais ce qu'il y a de le fun aussi, non seulement ça, mais tu peux, bon, évidemment, comme dans tout bon calendrier, faire un événement récurrent. Donc, l'événement, mettons, il se passe à tous les jeudis. Tu lui dis, bon, chaque jeudi, chaque deux jeudis, chaque année, chaque mois, cette date-là, n'importe quand. C'est magnifique. Ça fonctionne tellement, tellement bien. Calendar permet d'effectuer des recherches dans son propre agenda ou de le rendre en partie public, comme je disais, pour partager avec d'autres utilisateurs. Par défaut, ce dernier est entièrement privé, bien évidemment. Il est possible aussi de composer plusieurs agendas et Gmail devrait proposer un module de reconnaissance automatique des événements inscrits dans les emails pour les incorporer à l'agenda d'un seul clic. Il est possible aussi de gérer des alertes, donc ils vont t'envoyer un courriel, par exemple 5, 10, 30 minutes avant chaque événement, ou d'envoyer des invitations à ses contacts. Principal inconvénient, selon l'article que je lis ici, il est accessible seulement en ligne. Ok, je vois pas où ils ont pris ça, parce que c'est pas un inconvénient, c'est un avantage, selon moi, qu'il soit disponible seulement en ligne. Inquiétude récurrente, particulièrement chez les internautes américains, quel traitement sera-t-il fait des informations personnelles stockées dans l'agenda? Encore là, un autre point dont on se fout éperdument. Moi, j'ai adoré ce... Je vais arrêter de lire l'article parce qu'il me frustre avec les inconvénients qu'il y a là-dedans. J'ai trouvé que c'est un service absolument excellent. J'ai hâte que qu'il soit un petit peu plus imbriqué dans Gmail parce que je trouve qu'il est trop indépendant présentement. C'est vraiment son propre service à part. Vous pouvez aller sur calendar.google.com avec votre nom et votre mot de passe de Gmail et ça fonctionne très, très bien. Jusqu'à temps que, comme à chaque service de Google, ça plante puis que le serveur soit très, très lent. Mm-hmm. Il arrête d'accepter des nouveaux... Ça devient moins intéressant. Mais surtout si tu as besoin d'une information tout de suite. Là. Absolument. J'espère qu'il va rester en ligne et qu'ils l'ont mis sur un serveur fiable parce qu'on sait que Google s'étend beaucoup depuis quelques temps. Ils sortent beaucoup, beaucoup de nouveaux services. Mais pour revenir à ce que tu disais, je pensais à ça avec mon Mac. Moi, c'est que j'ai le remote desktop. Oui. Ça fait la job. Pour iCal, tu veux dire, parce que tout pour n'importe quoi, Mais pour n'importe quel logiciel comme, comme iCal. Ouais. Okay. Mais moi, je trouve que l'avoir sur Internet, oui, t'as l'inconvénient que des fois, si le site plante, ça peut ne pas marcher. Mais j'aime mieux ça que d'avoir à utiliser un logiciel indépendant pour aller voir sur mon ordinateur à la maison. Ouais, t'as totalement raison. Ça dépend, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est ça. Chacun son... Je m'en sers son... pas assez, mais bon, quelqu'un qui travaille tout le temps, qui va souvent à l'extérieur, ouais. Ça peut être très pratique. Me dire de me servir de Virtual Desktop comme pour iCal, c'est comme me dire d'aller checker mes emails à la maison en prenant un Virtual Desktop. J'aime mieux avoir un Hotmail ou avoir un Gmail que d'avoir à me connecter à mon ordinateur juste pour lire mes courriels. Je trouve ça bizarre. Ouais, je suis d'accord, mais habituellement, c'est que quand je vais en Remote Desktop, c'est parce que j'ai d'autres choses à faire aussi, ouais. Également. Là. C'est vrai. T'es à ta job ou peu importe. Tu te branches, tu es déployé dans le fond. Je peux voir ce que tu veux dire, mais... Tu dis pas, mettons, là, 2 minutes sur l'ordinateur du studio, puis là, on s'en va dans ton bureau après. Ah, encore un peu. C'est vrai. Mais j'avoue que ce serait pratique de pouvoir aller sur mon ordinateur d'ici, puis je devrais peut-être l'installer. En tout cas, tranche de vie. Peut-être que ça roulerait plus. Peut-être. Non, je pense pas. Non, sûrement pas. Toujours dans la chronique Google Watch, le contenu de Google Earth sera désormais enrichi par des informations encyclopédiques lorsque l'utilisateur cliquera sur certaines destinations géographiques. En cliquant sur certains lieux historiques importants, le logiciel va offrir à l'utilisateur des documents vidéo ainsi que des détails historiques et culturels concernant ces endroits sous forme de fenêtres contextuelles qu'on appelle des pop-up. Google va commencer par offrir les détails encyclopédiques d'une dizaine d'endroits aux États-Unis. Puis, ils vont s'étendre dans le reste des États-Unis et ensuite dans le reste du monde. Google compte même fournir une partie du contenu de Discovery Atlas, qui est une encyclopédie numérique de la firme Discovery Communications. Allez voir sur earth.google.com pour les informations. Toujours dans Google Watch, Google a acheté les droits d'une technologie de recherche qualifiée de révolutionnaire développée par un étudiant en informatique dans une université de l'Australie. La technologie Orion a été développée par Ori Allen alors qu'il était étudiant en doctorat en informatique à l'université New South Wales à Sydney en Australie. En septembre 2005, cette université australienne annonçait qu'Ori Allen avait obtenu un brevet pour Orion, une technologie apparemment conçue pour compléter les moteurs de recherche actuels. Dans les informations dévoilées à l'époque, on suggérait qu'Orion permettrait d'améliorer la pertinence des résultats de recherche, d'offrir des extraits de texte sans avoir à visiter les sites web et de proposer d'autres résultats avec des mots-clés reliés. Dans le communiqué de l'Université New South Wales, Ori Allen mentionnait déjà, sans toutefois citer de nom précis, que de grandes entreprises avaient exprimé un intérêt envers la commercialisation de la technologie. Or, d'après un article de The Sydney Morning Herald, c'est Google qui aurait acquéri les droits d'Orion. Il y a 6 semaines, Ori Allen aurait même quitté l'Australie pour aller travailler au siège social de Google. Qui dirait non à ça? Si Google te demande d'aller vivre là-bas, même si tu habites à 14 milliards de kilomètres, tu y vas pareil, t'sais. Oui. Avec l'argent que ça paye. Oui. Probablement. T'as toujours le choix rendu là. Et si t'as le talent pour aller avec, parce que le Google n'appelle pas n'importe qui. Non. Moi, je suis en grand contact avec eux autres, évidemment. Oui. Déployé, direct. Oui, Bill Gates, c'est lui qui a financé mes études. Bill Gates, mon frère, ça. Ouais. On s'appelle Brother. Hein? Brother. C'est... Toujours dans Google Watch, Google a obtenu un brevet américain qui décrit une interface vocale employée par un moteur de recherche. Google a réussi à faire protéger les droits d'un système qui fournit des résultats de recherche à une requête exprimée vocalement. Plus précisément, l'interface de Google se base sur des hypothèses de reconnaissance vocale et construit une requête booléenne pondérée en se servant de ces mêmes hypothèses. Donc, clairement, ça veut dire qu'un utilisateur va pouvoir contacter un serveur de Google et énoncer vocalement un ou plusieurs mots-clés. Après un traitement complexe des données vocales qui tient notamment compte des liens entre les mots-clés, donc le contexte, le système pourrait fournir à l'utilisateur les résultats qui possèdent la plus haute probabilité de satisfaire la requête. Google ne fait pas directement de lien avec des services existants ou futurs, donc c'est qu'une technologie fictive pour l'instant, mais les possibilités d'application pour la recherche à partir de téléphones cellulaires semblent évidentes. Oh, probablement. Absolument, c'est sûr que ça va fonctionner comme ça. Ben, de toute façon, Google, d'habitude, là, même si ça plante des fois, il sort quand même quelque chose de bien, là. C'est toujours des produits absolument fantastiques, sauf Google Reader, que j'aime pas du tout. Ah, je sais pas. J'aime vraiment pas. C'est un service de lecture de nouvelles. Donc, le brevet a été octroyé par le Bureau américain des brevets et marques de commerce. La demande a été déposée en février 2001 au nom de Google par des employés, au nombre desquels figure notamment Sergey Brin, qui est un des deux cofondateurs de l'entreprise. Donc, c'est quelque chose de très, très véridique. Et ça s'en vient. J'ai hâte de voir ça, 1-800 Google. Oui, ça peut être bien. Ben, ce sera sûrement pas c'est ça. Juste en Amérique du Nord. GLE, on sait qu'il faudrait un autre chiffre. Hein? Ouais, ça rentre pas. Ça rentre pas et... Non. Non, c'est ça. Avec un S. Googles. Googles. 1-800 Googles. Pas de lunettes. Alors que tout semblait sourire à Google et à son comparse Earthlink, on se rappelle, on a parlé de ça la semaine dernière et il y a 2 semaines, il venait de remporter l'appel d'offres lancé par la ville de San Francisco pour équiper l'ensemble de la ville du réseau d'un réseau Wi-Fi. L'Electronic Frontier Foundation, l'EFF, met les pieds dans les plats en soulevant la question de la protection des données personnelles. Google se propose de fournir un accès Wi-Fi totalement gratuit avec des débits de l'ordre de 300 kbps, duquel il tirait profit grâce à la publicité. Donc, Google avait l'offre a été gagnée par Google et Earthlink. Google offrirait un service gratuit avec des pubs et Earthlink offrirait un service plus rapide, mais payant. Google a clairement annoncé les publicités qu'il placera auprès des internautes lors de leur connexion au point d'accès gratuit seront liées à ces derniers, donc ce sera des pubs visées. Donc l'internaute ne pourra pas, par exemple, se voir proposer des réclames pour les commerces de la rue voisine de celle où il se trouve. On évoque aussi une localisation d'utilisateur précise de 30 à 60 mètres, donc vraiment, ça va être très strict. À ça s'ajoute le suivi des activités de l'internaute en ligne, qui va être obligé de s'identifier via un compte Google pour se connecter. Donc, ça vient encore à la vie privée. Google va-t-il savoir exactement où vous allez sur Internet et va-t-il s'en soucier assez pour vous checker? Entre la localisation géographique et les habitudes de surf, le moteur de recherche devrait donc disposer d'arguments de poids pour convaincre les annonceurs de recourir à ces programmes publicitaires. L'idée que ces informations soient stockées par une société privée n'enchante pas les partisans des libertés individuelles, d'autant que certains estiment que le gouvernement américain pourrait être tenté de les réclamer en cas de besoin. Oh. Le problème est que personne ne sait vraiment quelle quantité de données le moteur va conserver, ni pendant combien de temps, même si plusieurs quotidiens américains évoquent une durée de 180 jours. D'accord. Selon le vieil adage, l'EFF juge toutefois qu'il vaut mieux prévenir que guérir et a fait parvenir une série de recommandations à la municipalité de San Francisco, ville dans laquelle elle est basée. Cette dernière en tiendra-t-elle compte dans ses tractations avec les deux sociétés? C'est un dossier à suivre. C'est évidemment ce qu'on va faire. T'sais, on est de même, nous autres. On va suivre. On va suivre ça. On est là cet été, nous autres. On part pas. On reste là. Je te suis. Moi, partir cet été. Tu vas partir cet été? Oui. Tu vas partir... Ben, partout, là. Voyager. Tu vas devenir notre Colombie-Britannique. Notre correspondant. Oui, exactement. Notre correspondant en Abitibi, bien sûr. Bonjour, Mathieu. Si la tendance se maintient ici, en Gaspésie, nous pourrons assister à Jesse se baignant dans la mer, qui est extrêmement froide. Oh! Mais, inquiète-toi pas, je vais te ramener des photos ou des souvenirs. Hey, non, mais. Des petits bocaux de sable. Entre autres. Je vais peut-être aller d'un festival au Nevada aux États-Unis. Il y a un autre festival qui s'appelle Eclipse que d'année janvier, notre ami va être DJ là-bas. C'est 2-3 000 personnes. C'est genre musique trans, psychédélique, pété que j'adore. C'est quelle date ça? Ouf, ça en vient très bientôt. Ça, je sais pas par exemple. Faudrait que je demande, mais on vous en parle. Fin juin, début juillet, mi-juillet, je sais plus. On vous tiendra au courant de toute façon ici, assez fou. Oui, il faudrait ployer ça. Absolument. Continuons avec les nouveautés en magasin cette semaine. Selon les premières critiques, Crystal Dynamics... Dynamics? En tout cas. Et finalement, ben, je vais juste... on recommence à zéro. On y va avec les nouveautés qui sortent sur plusieurs plateformes. On commence par Major League Baseball 2K6, un jeu de baseball sur Xbox 360 et PlayStation Portable. Tomb Raider Legends sur PS2, Xbox et Xbox 360. Oh, et sur PC aussi. Maintenant, les jeux qui sortent que sur PC. Auto Assault, Condemned Criminal Origins et The Sims 2 Family Fun Stuff, une extension aux Sims 2. Sur PlayStation 2, Monster Rancher EVO et Samurai Champloo. J'ai toujours bien aimé le nom de ce jeu-là. Samurai Champloo. Okay. Parlant de choses qui sortent juste sur Windows, là, uh-huh. Les jeux, mais savais-tu que je suis même plus capable de lire des Windows Media, des WMA finalement? Pourquoi donc? Parce que Windows a décidé de boycotter les Macintosh et d'interdire l'accès aux Windows Media. Oh! Ah ah! Ce qui fait donc que, Star, quand tu cliques sur un WMA, ça t'amène à une belle page qui t'explique que t'es mieux d'avoir... c'est probablement que ça marche pas parce que t'as soit un Macintosh ou soit une trop vieille version de Windows. Mais que finalement, pour régler ton problème, ça te prend un nouveau Windows XP. Justement. Il n'y a rien à faire, puis il n'y a plus le patch. Le problème se règle très facilement en faisant quoi? En installant XP sur ton Mac, c'est ça? Oui, probablement. Ouais, mais j'ai un Mac Intel. Parce que là, j'ai qu'un vieux G4. C'est ça, G4. Ouais. Hein, non, t'es pas à jour encore. Là. Non, malheureusement. Ça s'en vient. Je peux peut-être émuler Windows 3.1, peut-être. Peut-être. Ça serait drôle. Est-ce que Windows Media peut s'installer sur Windows 3.1? Ouf! Je ne crois pas. Pas certain. Je ne crois pas. C'est comme iTunes dans un Mac classique. C'est irréalisable. Non. Et parlant de Samurai Champloo, le prochain jeu, c'est sur GameCube. Odama. Oh. C'est un jeu fait par Nintendo, donc un jeu de premier ordre. Odama, de Nintendo of America. De Nintendo? C'est Nintendo qui l'ont fait. J'aime bien ça, un petit jeu qui part, c'est marqué licencié par Nintendo. Ouais, licencié. ou Only for Nintendo. Ouais. Dans le coin en haut à gauche. Ouais. C'était le fun, ça, sur Nintendo 64, quand, la façon qu'il écrivait, c'était cool. Ouais, au Super aussi, c'était la même. C'est vrai que c'était beau. La même vague, là. C'est vrai. On va en musique. Au retour, non seulement on va parler de deux hacks de Mario World qui s'appellent Dream Edition et Legend Continues, mais aussi le mashup. Ça, c'est dans quelques minutes, mais pour l'instant, on écoute Mon Oncle Serge. Ton nouvel album? Ben oui. Avec Hitler Robert. Je l'aime bien gros, ça. Là. Moi, je trouvais qu'elle était vulgaire, mais c'est vrai qu'elle est. C'est vrai. Mais elle est tellement drôle. Moi, j'ai mis frustré. Elle est quand même bonne. Elle est bonne, celle-là aussi. Ouais. Ah, ouais, vous écoutez La Connexion sur C'est Fou 89.1 FM. Hitler Robert. Les granos leur font chier, avec leur macramé, leurs grands vêtements fleuris, et leur air abruti. Et comme c'était un pont assez nombreux ici bas, sont des enfants à qui ils donnent des noms de granos là. Soleil, la flamme, pluie, gondier, Marie-Québec, Maurice, arbre, la forêt, humus, langevin. Ce sont des noms ridicules qui font chier. Pour faire contrepoids à ces noms granos là. Moi, si j'ai un enfant, je lui donnerai un nom méchant. Moi, si j'ai un fils, je l'appellerai pas Fabrice, ni Patrice. Je vais le nommer Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Si les granos là peuvent donner aux leurs des noms de fleurs, et le vétérinaire donner aux siens des noms de chiens. Si les communistes peuvent donner des noms communs aux leurs, moi qui suis imbécile, j'en ai, j'appellerai mon premier Hitler. C'est mon droit de parent. Fuck you si vous êtes pas contents. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Mon exemple ne manquera sûrement pas de faire boule de neige, si bien que dans quelques années, dans tous les collèges, quand le professeur va prendre les présences, ça ne sera pas rare. Non. Nos chers Robitaille, Paul Pote Mascotte, présent. Staline Guillen, présent. Saddam Lapalme, présent. Hitler Robert. Hitler Robert enfoxé, il s'est encore défilé. Malgré toutes les remontrances, il multiplie les absences. Au lieu d'aller à l'école, comme les autres petits mongols, il joue aux jeux vidéo. Ils vont fumer en cachette, mettre la bande des boîtes à lettres. Ils vont péter les tailleurs de l'auto du directeur. Malgré tous les coups de strafe, ils ne changent pas de cap. Ils sont bêtes dans sa dérape, impossible qu'on leur échappe. Il est dole. Ouais, Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Hitler Robert. Mon oncle Serge avec Hitler Robert du nouvel album Serge Blas d'Amérique à La Connexion. On parle technologie informatique et quoi donc, jeux vidéo. C'est vrai. Outrage au granola, hein, dans ce truc. Et maudit. Avec le macramé. J'aime ça de même. C'est pour ça que je l'aime, cette tournée. Puis ça dit que le gars, à la place d'aller à l'école, il joue aux jeux vidéo. Ah, ben t'as le droit. Dans ce temps-là, tu peux pas rater, tu sais. Hey, tu sais-tu quoi? Il dit aussi que je suis dans une boîte à mer. Non, mais ça fallait pas en parler. Ah, je savais pas. C'est l'heure de la critique de jeu. Je vais partir, là, t'sais. Donc, cette semaine, nous parlons de deux hacks de Mario World qui s'appellent Dream Edition et Legend Continues. N'est-ce pas, Jess? Oui, exactement. Ce sont des cassettes qui n'ont jamais existé. C'est des gars qui avaient les moteurs de Mario World qui se sont défoncés pour nous faire deux nouvelles éditions. Il y en a un, c'est le Dream Edition, qui a beaucoup de nuages. T'as joué avec moi? Oui. C'est assez difficile. On a ri, hein? On a ri beaucoup parce que... On mourrait tout le temps. Mais il est vraiment le fun, celui-là, par exemple, parce que les tableaux sont vraiment très, très originaux, bien faits, souvent basés sur les vrais tableaux originaux du jeu, mais avec des modifications, avec beaucoup de choses changées de place. Même, souvent, il repart à zéro. Il fait juste mettre des nouvelles affaires dedans qui ressemblent au tableau original. Comme l'espèce de tableau bonus que tu rentres, puis t'es à zéro de temps, c'est time-up, tu peux pas aller chercher un Yoshi, des champignons, tout ça. C'est... Je trouve ça cool, ben, on a ri. Dans l'original de Mario World, il y avait un tableau, quand tu battais une sortie bonus dans un château, il te donnait un tableau, juste un seul écran, avec un Yoshi, deux fleurs et deux plumes ou deux champignons. Ouais, exact. Donc, le gars, en refaisant le jeu, il a fait exprès pour faire que cette salle-là ne marche pas. Elle fonctionne juste pas. C'est juste drôle. Pour t'enlever ta chance. Ouais. Parce que tout le monde retournait là, se reprendre un nouveau Yoshi, se reprendre des plumes à chaque deux secondes. Là, tu vas dans un autre tableau. Mais... Tu vas ailleurs, mais t'sais, c'est drôle quand même d'avoir fait ça. Ouais. Les tableaux sont très bien pensés. À part que c'est décevant, parce que là, au stade où ce qu'on était rendu l'autre soir, les tableaux ne changeaient plus. C'est ça. Là. Faudrait se défoncer, jouer plus loin, voir si le gars continue. Mais on dirait qu'il est parti en Lyon. Le ciel est, parce que on l'avait vu venir. Il plus, et il changeait rien qui est bonus. Déjà, juste au début, au départ, on se disait, je me demande, est-ce qu'il va durer bien longtemps? Est-ce que, si à un moment donné, il va commencer à lâcher prise un petit peu? Et là, t'arrives, il y a plusieurs tableaux, deux ou trois tableaux minimum de suite, ben, qui n'ont aucun changement. Il y a quand même 92 tableaux, je pense, dans tout le jeu. 96. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est quand même long, là. Faire 96 beaucoup. Tableaux, c'est beaucoup. Ouais, mais peut-être que c'est une version précédente et peut-être qu'il y a des nouvelles versions qui sortent et que là, ils continuent de faire de plus en plus de tableaux. Ouais, c'est vrai. J'imagine peut-être. C'est vrai. Oui, en tout cas. Bon, bref, tombons dans Legend Continues. Un mélange de c'est un Mario World, mais ils ont pris des skins de Mario 3. Ils ont même fait des répliques de tableaux. C'est assez drôle. C'est, t'as du sable mouvant. Il y a des pyramides. Les petits personnages là, avec des pattes de poulet là, sont rouges. Là, comment ils s'appellent déjà? Ils ont un masque? Ouais. Ah, je me souviens pas. En tout cas, ceux-là sont dans le jeu de Mario World. C'est spécial. Ouais, c'est drôle. Ouais, mais en même temps, tu vois que... C'est l'espèce de poids qui avance, mais ils ont mis le skin de cette bébête-là dessus. C'est ça, exactement. C'est une bébête qui est à l'envers. Ils ont rajouté son dessin dessus, donc souvent, ils réagissent pas comme ils devraient. Non, c'est ça. Par exemple, dans Mario Bros 3, il y avait des petits carrés de sable qui bougeaient, des petits blocs qui des bougeaient, blocs qui sautaient. De briques, là. C'est ça, ouais. De briques qui sautaient. Dans ce jeu-là, tu peux pas sauter dessus. Non, parce que sinon, tu te fais mourir. Faut pas que tu te touches. Donc, c'est spécial, mais j'aime ça quand même. Lui est tellement difficile. Oui, c'est malade. C'est débile. Explique le tableau à un moment donné, celui où t'es rendu, c'est absolument infaisable. Ça s'explique pas. Faut comme que le gars, il a comme fait un passage qui passe par en dessous, puis un trou, puis il a fait une espèce de labyrinthe de bord. Fait que t'es obligé de rentrer dans ce genre de labyrinthe-là. Puis t'arrives pour sortir au bout, mais il y a un trou. Fait que faut que tu te dépêches, tu glisses en te penchant, tu sautes sur une tortue qui vole, qu'il faut qu'elle donne, que ça la donne, qu'elle passe là, puis que oups, tu l'as, ben tu m'as vu, tu sais. C'est impossible. Moi, je peux saver sur l'émulateur, fait que je l'ai essayé 30 fois en ligne. Il fait des save state, load state, save state, load state. C'était étourdissant quasiment, là. Moi, je suis habitué, là, mais. Ridicule. J'ai recommencé à peu près 30 fois avant de l'avoir. Ouais. Là, quand je l'ai eu, on arrive à un autre tableau incroyable, pas faisable. Hallucinant. Je pense que c'est un jeu que personne au monde va réussir à terminer. Le gars, il a exagéré vraiment. Même le gars qui l'a fait, sûrement qu'il... Mais tout en sachant que ça se jouerait sur des émulateurs. Tu peux toujours sauvegarder. Ouais. Absolument. C'est des jeux, évidemment, que vous ne retrouverez pas sur console. Non, jamais. Mais qui ne sont pas nécessairement légales. Parce que, tu peux les trouver sur Xbox. C'est vrai. C'est vrai. Tu peux les télécharger aussi sur des réseaux de partage de fichiers. Oui. Mais même si c'est un ROM donc qui n'a pas de droit en tant que tel, ne fait pas que c'est légal parce que c'est des créatures de Nintendo. Donc. Ouais, c'est Mario, c'est les bons vieux Koopa. Ouais. Mais c'est une bonne affaire à essayer. Puis de toute façon, vous pouvez pas le trouver ailleurs, donc aussi bien le télécharger. Ben, t'as pas le choix si tu veux jouer. T'sais, c'est toujours moins illégal que de downloader un vrai Zelda ou un vrai Mario. Jeu. Là, si t'as pas la cassette chez vous, bien sûr. Absolument. Heureusement, donc, j'en ai beaucoup. Là-dedans, nous, on dit essayer les deux, mais jouer plus longtemps un petit peu à Dream Edition. Ouais, ben, c'est parce que Legend Continues, c'est comme une parodie. Ça vient. Mais Dream Edition, essayez de voir, finissez-le jusqu'à la fin. On va essayer ça un moment donné, de la finir jusqu'à la fin, voir si ça revient à des tableaux originaux. Mais quelqu'un qui a jamais joué, tu le fais jouer à ça. C'est comme The Lost Level, mais au Super Nintendo, tu sais. Et oui. Ça, c'est top. En beaucoup plus difficile. Donc, allez essayer ça. Trouvez-les en cherchant sur Internet Super Mario World Legend Continues et Dream Edition. Ouais. Je peux donner un cue. Il y a le mondemule.com. Oh, ben, mon Dieu. On donne des adresses maintenant. Okay. Qui est écœurant. Non, mais je le dis parce que moi, j'ai cherché longtemps. Et on l'a répété en plus. Mondemule, ben, faut que tu t'inscrives. Mais il t'harcèle pas avec des emails. Quand il t'a renvoyé un numéro de confirmation, c'est parce qu'il n'y a pas le choix. Mm-hmm. Parce que sinon, il y aurait ben trop de monde en même temps. Ouais. C'est sûr, si tu vas à ces heures de pointe, là, mettons, entre 2h l'après-midi puis 11h le soir, oublie ça, t'es plus capable de downloader rien. Faut-il dans la nuit ou tôt le matin. Ouais. Et voilà. Donc allez les essayer et donnez-nous des nouvelles. Oui. Absolument. Allez voir cnx.cif.ca. Je mettrai le lien, même si on ne fait pas ça normalement, mais je le mettrai vers mondemule.com. C'est bien ça. Quelque chose du genre. En tout cas. On va sauter par-dessus plusieurs de mes sujets. Je les ferai peut-être la semaine prochaine, peut-être pas. C'est pas des choses très, très importantes. Il y avait eu un poisson d'avril de la part de ThinkGeek, qui est un site web de produits, d'accessoires de jeux vidéo et d'ordinateurs pour les nerds. C'est un site de nerds, dans le fond. Okay. Il a fait une joke de poisson d'avril disant qu'il y avait un tuyau de Mario avec un champignon que tu pouvais mettre de l'eau et faire pousser un vrai champignon de Mario. C'était un de leurs faux produits qu'ils avaient inventé pour le 1er avril. Là, ils ont demandé la licence à Nintendo pour, en fin de compte, pouvoir vraiment faire ce produit-là. Évidemment, il poussera pas pour vrai, mais un vrai tuyau avec un champignon dedans, dû à la demande générale. Tinguy.com. Ça va pogner. C'est sûr, sûr que ça va pogner. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Capcom, je crois que c'est pour le lancement européen, oui, c'est ça, des piétons en Italie, qui ont vu une campagne publicitaire assez bizarre pour un jeu de Capcom que vous connaissez, qui s'appelle Resident Evil DS. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis des pierres tombales et de vrais petits morceaux de gazon avec la pierre dessus et des mains qui sortent de là. Et ça dit Resident Evil. C'est placé dans les rues. Et il y a même des mains coupées, déjà des fausses mains ensanglantées, qui accrochent après, mettons, des vélos ou après des pancartes, n'importe quoi. C'est dangereux. C'est vraiment fort comme campagne de marketing. Oh, oui, ben oui. Resident Evil Zero. C'est pour Resident Evil Deadly Silence sur Nintendo DS. On parle aussi de ce qui c'est accroché après des poignées de moto. Et à la gorge de certaines victimes qui étaient évidemment des gens engagés, je crois, par Capcom. Est-ce que tu as vu les news de Resident Evil 5? Oh non! Mon Dieu Seigneur, Mathieu, va voir ça pour ta prochaine émission. Ça vaut vraiment la peine. Tu m'en c'est beau, là, c'est beau, beau. On dirait que t'es d'une vraie ville à Istanbul. Uh-huh. Ça se passe là. Tu vois, c'est encore Leon qui est l'acteur principal. Tu avances avec Leon, puis je sais pas c'est quoi qui se passe dans l'histoire, là, mais c'est vraiment beau. Là. T'as le feeling d'être d'une vraie ville. Les arbres, c'est des vrais arbres. Là. Mmh. En tout cas, je vais te laisser conclure. Resident Evil 5 sur Internet, ça se trouve bien ça. Je ne vis que pour Resident Evil. Des fois l'hiver. Les quoi? Des fois l'hiver. pas l'été, je joue pas l'été. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un sur eBay, pour les gens riches, vend 100 Xbox 360 scellés au bas prix de 38 000 $. Donc, oubliez votre future maison, votre future voiture de sport. Déjà que les frais d'envoi seulement sont de 2000 $. Mais pourquoi là, 38 000, il est en or? C'est... Il est quoi? Il est en or? Non, c'est juste... C'est quoi? C'est 100 consoles Xbox 360. Si vous voulez acheter ça, c'est bravo à vous, mais c'est sur eBay. Allez voir ça. Mm. Et le fun. Et très, très fun. Le gars, c'est-tu défoncé? Hein? Ouais, tu penses? Et ça fait si t'en veux une. C'est comme Shit Love Price, t'as pas le choix. Oui, absolument. Quelqu'un a fait des manettes de Xbox 360 et de PlayStation 3 en Lego. C'est-tu pas incroyable? Garde-moi ça. Et elle fonctionne? Non. Non, je sais. T'es-tu donc? J'espère que c'est pas une vraie question. Oh, il s'est défoncé, le gars. Il s'est vraiment défoncé. C'est pareil, là. Déjà que la PlayStation 3, on est sûr que la manette sera même pas comme ça à sa sortie. Ça ressemble à un boomerang. Ben oui, c'est ça. En tout cas, c'est très, très beau. Allez voir ça. CNX.ca. L'article a le mot Lego à l'intérieur, donc c'est plutôt facile de le trouver. C'est rendu là, on est pas mal rendu à la fin. Sur Revolution, ils vont sortir un jeu en noir et blanc. J'étais vraiment surpris de voir ça. C'est le jeu qui s'appelle je crois que c'était je trouve vraiment pas le jeu là. En tout cas, il va y avoir un jeu noir et blanc, moi je trouvais ça intéressant. Allez donc lire l'article à la place, on manque de temps. Et comment chercher sur Google quand un site est down, quand un site arrête de fonctionner ou est en panne. La façon est décrite dans l'article. Ce qu'il faut faire, c'est site2.en. Mettons wikipedia.org. Mettons. Puis, ça va chercher à l'intérieur de Wikipédia. Le lien qui est pas mort, finalement. C'est pour ça. Pour te ramener à la page. C'est ça. Aha. En tout cas, méchante, mauvaise façon de finir une émission. Il aurait fallu que tu le lises avant pour faire un résumé. Moi. C'est ça aurait été vraiment hot. Je vais y penser pour la semaine prochaine. C'est hot. Pas grave, j'étais là. Tu mettras ça sur mon dos. C'est vrai, t'es beau. T'es fin. T'es le fun. D'ailleurs, Dave Leblanc, écoutez-le avec Jesse Millette dans l'émission Funky Torch. Ça se passe les jeudis soir. Et d'ailleurs, je pense que t'as même pas 30 secondes, David, pour faire un petit mot si tu veux. Je vous trouve beau et fin. Ouais, t'es gentil. Il me trouve beau et fin. C'est vraiment beau, ça. T'es beau que tes lunettes jaunes. Merci. Ouais. D'ailleurs, oui, ce soir, Funky Torch. Jeudi soir, Funky Torch. Oui, c'est ça. Mm-hmm. Jeudi soir, j'oublie toujours de faire la diffusion. Mais, faut dire aux téléspectateurs que ce soir, jeudi soir, c'est les meilleures tunes funk du début de l'année. Okay. Du début de l'année. Yes. Un genre de best-of pour pourri. Exactement. Mais pas pourri, par exemple. Non. Pas pourri, OK. C'est vraiment dans le clé. OK, c'est bon. Bon, ben, gars, moi, il me reste même pas 20 secondes. Donc, Funky Torch, les jeux de soir à 18h. Moi, je vous retrouve dans la chance au coureur, l'émission de nouveautés musicales, les vendredis à 11h, en rediffusion les jeudis, les mardis, à 13h. Je vous retrouve aussi dans les palmarès, c'est fou, les vendredis soir à 17h. Et la connexion est rediffusée les mardis à 10h. Et moi, midi, oui, toi. Je vous attends entre 11 et midi le lundi c'est... et de 10 à 11 le jeudi matin. Je l'aurais oublié si je ne l'avais pas dit. Merci beaucoup. Jusqu'à la semaine prochaine. Attention à vos genoux. Bonne journée. Radio-Canada. Bonne chance. Non, il n'y a pas Radio-Canada à une heure. Ça. Ah, il n'y a pas de pub. Non. Il y a une pub. Il n'y a pas de nouvelles. Bon. On s'en va. Attention à vos genoux, là. Tu fais ça, attention à tes genoux? Oui. Oui. Trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot com dot com dot dot dot dot com trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot com trash dot dash dot trash dot dash dot trash dot com trash dot dash dot trash dot